Premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire en nouvelle diffusion. Toute la semaine, nous allons explorer l'identité de villes bousculées par l'histoire. Demain, vous pourrez entendre ou réentendre un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury sur un mystère lyonnais, les souterrains en forme d'arêtes de poisson. Mercredi, une balade radiophonique dans le Sarajevo de 1914. Jeudi, un documentaire sur la ville de Bruxelles pendant la Première Guerre mondiale. Et vendredi, une balade dans le Beyrouth qui cherche à effacer les traces de la guerre civile. Et ce matin, c'est d'une ville plusieurs fois capitale dont il sera question, la ville de Bagdad. Dans une discussion co-animée par Anaïs Quien, Vanessa van Rendergem et Cécilia Pierry nous raconteront les métamorphoses et les renaissances de la capitale irakienne. Une émission diffusée pour la première fois dans La Fabrique de l'Histoire le 16 juin 2016. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour à vous, Vanessa Rendergem. Bonjour. Et bonjour à vous, Cécilia Pierry. Bonjour Emmanuel. Merci d'être ici. D'abord, peut-être une première chose. J'ai eu la chance de me rendre une fois dans cette ville. C'était en 1987. Mais comment peut-on décrire le Bagdad d'aujourd'hui? Et comment vous qui travaillez sur l'histoire, toutes les deux, des histoires différentes, puisque Cécilia Pierry, c'est l'histoire de Bagdad au XXe siècle. Et pour vous, Vanessa Rendergem, c'est le Bagdad du XIe, XIIe siècle. Comment perçoit-on cette ville et que va-t-on y chercher quand on s'y promène, Cécilia Pierry? Votre question est à double révolution, si j'ose dire. C'est-à-dire que le premier volet, qu'est-ce qu'on va y chercher? Eh bien, c'est très personnel, c'est très subjectif. Moi, en 2003, quand j'y suis allée, j'allais y chercher de la peinture et des peintres. Et j'ai rencontré la peinture et les peintres, mais j'ai aussi rencontré l'architecture moderne. Et d'ailleurs, on m'avait dit, avant, il n'y avait pas grand-chose à voir parce que, sous-entendu, la ville des Mille et Une Nuits n'existe plus beaucoup. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, la ville est moderne. Et moi, j'ai trouvé que cette ville moderne, elle était justement passionnante, parce qu'en 2003, elle n'avait pas vraiment changé depuis les années 70, étant donné que les guerres et l'embargo l'avaient en quelque sorte gelée. Donc, c'était vraiment une ville du XXe siècle, et non pas du XXIe. Donc, il n'y a pas de tour, etc. Et puis, voilà, donc, qu'est-ce qu'on va y chercher? Ça, c'est très subjectif. Moi, j'y cherchais quelque chose que j'y ai trouvé quelque chose que je ne cherchais pas, et finalement, c'est là-dessus que j'ai construit toute ma recherche universitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ville qui, selon les quartiers, parce qu'elle est très étendue, elle fait presque 800 km², donc c'est 7 fois la surface de Paris, intramuros. 7 millions d'habitants? Oui, entre 6 et 7 millions d'habitants. C'est très difficile de savoir. Il n'y a pas de recensement. Puis il y a beaucoup de migrations internes et de départs aussi. Donc c'est une ville qui, selon les quartiers, ressemble soit à une ville vraiment résidentielle, une ville jardin, plate, en briques. Hein, c'est plus du tout la pierre du Levant. C'est vraiment la brique de l'Asie, comme l'Iran, comme l'Afghanistan. Et c'est une ville très verdoyante dans les quartiers résidentiels. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre ou de l'hypercentre, eh bien, c'est une ville qui devient de plus en plus entravée, notamment par toute une série de murs et de chicanes et de surveillance qui fait qu'on ne peut plus y circuler librement. Anaïs Quien. Oui, et vous, Vanessa van Rendergem, qui êtes médiéviste, votre vie date de 2003, de janvier 2003, je crois. Oui, c'est ça, j'ai attendu très longtemps un visa avant de pouvoir aller à Bagdad. C'est une ville qui n'a pas toujours été facile d'accès pour des raisons diverses et variées. C'était difficile d'avoir un visa. Aujourd'hui, c'est difficile d'y aller pour des raisons de sécurité. Il y a un élément que vous signalez dans un des textes que vous avez écrit, c'est que finalement, il y a très peu de recherches archéologiques. Il y a eu très peu de fouilles sur le sol de oui, Bagdad. Très peu de fouilles. Et les traces médiévales, du passé médiéval de la ville, sont tout à fait évanescentes aujourd'hui. Oui, là encore, pour des raisons assez variées. D'une part, l'architecture de Bagdad, comme vient de le dire Cécilia, est une architecture de briques. La brique est un matériau relativement fragile, plus fragile que la pierre. Donc les bâtiments médiévaux résistent moins au temps, on va dire, d'autant plus que Bagdad est traversé par un très large fleuve, qui est le Tigre, qui déborde régulièrement de son lit depuis la fondation de la ville et qui, au passage, balaye un certain nombre d'édifices. Donc ça, c'est une raison du côté périssable, on va dire, de ces constructions. Les guerres ont aussi détruit beaucoup Bagdad. Quand on pense à la Bagdad médiévale, on pense à la ville ronde construite par le calife Al-Mansour, grande ville de briques avec un triple système de défense, des murs de 50 mètres de haut, donc quelque chose quand même d'assez conséquent. Cette ville, nous disent les textes médiévaux, a entièrement été effacée en moins de 2 siècles. Elle a été détruite 50 ans après sa construction par une guerre civile. Et puis, petit à petit, elle est tombée en ruine. On a récupéré les briques pour construire d'autres édifices et la ville s'est effacée. Donc pas de travaux archéologiques ou du moins assez peu. Ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que la ville a été réoccupée au XXe siècle après une période d'abandon, le tissu urbain était beaucoup moins développé qu'à l'époque médiévale, notamment sur la rive occidentale de la ville. Et puis peut-être sans volonté d'incarner de nouveau cette période de la fondation. Alors ça, je ne sais pas. Non, je pense à ce niveau-là, on aurait pu peut-être symboliquement reconstruire quelque chose, ou comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, de reconstruire d'anciens palais. Oui, alors sous Saddam Hussein, on s'est beaucoup tourné vers le passé babylonien, qui était très prestigieux. Et puis, c'était devenu très difficile de creuser. D'abord, la ville ronde, on ne sait pas exactement où elle se trouvait. Le Tigre a beaucoup changé au cours des siècles. Ses méandres se sont déplacés. Donc, on ne saurait même pas exactement où aller chercher. Et puis, aujourd'hui, c'est une ville habitée, une ville construite. Et donc, comme toute ville habitée et construite, on ne va pas aller raser ce qui existe pour creuser en dessous et voir si on retrouve des vestiges du 8e siècle. Et de toute façon, on n'est pas sûr que ce soit dans la même boucle du fleuve que se soit installée la Bagdad moderne. En l'occurrence, Cécilia Pierry, vous avez un grand avantage par rapport à votre collègue, c'est que vous, c'est du béton. Donc ça ne fond pas comme sucre dans la tasse de café lorsqu'il y a une inondation du Tigre, en l'occurrence, les bâtiments que vous avez. Du béton, entre autres. C'est encore de la brique. C'est-à-dire que, bien sûr, le béton se marie avec la brique depuis les années 40, à peu près. Il est arrivé plus tardivement que dans d'autres pays. Mais, alors moi, je dirais, bien sûr, la brique est bien sûr plus périssable, mais malgré tout, moi j'ai trouvé un contrat de construction, par exemple, d'une maison de 1934, qui explique que pour construire la maison, il faut immerger et sécher la brique 8 fois de suite au soleil, ce qui en fait une brique extrêmement dense, dont tout l'eau et le sel ont été évacués. Et par exemple, il y a un très très beau patrimoine tardif ottoman, donc fin 19e, début 20e, qui, sauf destruction volontaire, est encore en très bon état. Alors, bien sûr, comparé à ce que c'était avant, il n'y a pas de comparaison, mais je dirais que, malgré tout, oui, c'est une ville qui... Je dirais que, sur le plan du 20e siècle, s'il n'y avait pas eu de destruction volontaire, c'est une ville qui tient debout, et qui est encore debout. Jafar, je ne suis pas content. Que votre majesté daigne m'expliquer les causes de son déplaisir. Je t'ai dit 1000 fois, Jafar, que ma bonne ville de Bagdad devait être un modèle dans le monde. Cette nuit, j'ai voulu m'assurer par moi-même que l'ordre y régnait, que les rues étaient calmes et bien balayées. Nous marchons depuis 1 heure, et les spectacles les plus affligeants se sont offerts à nos regards. Il y a des tas d'immondices au milieu des places, les chats mènent un train diabolique à travers les terrasses, on rencontre des ivrognes, des filles. Dans l'ombre, on voit grouiller des humanités suspectes, qui transporte de volumineuses charges, probablement des voleurs, à moins que ça ne soit des contrebandiers. Les lieutenants de police, les gardes, pas un! Ces pandards se vautrent dans la turpitude ou bien jouent leur solde dans les tripots. Pauvres gens, ils doivent commencer tristement leur journée. Braises de nuit deviennent cendres du matin. Tais-toi, on ne gouverne pas avec de sots proverbes. Je vous assure, Seigneur, que je me donne beaucoup de mal. Dès demain, je ferai enlever les immondices, pendre les chats, les ivrognes et les filles. Les voleurs iront en prison et les policiers aussi s'il le faut. Voilà. Ah, tu peux dire voilà! Tandis que moi, Haroun al-Rachid, protecteur des arts et des sciences à l'égal de mon vieux collègue, le grand Charles d'Occident à la barbe fleurie, je n'ai pas une pensée qui ne soit pour le bonheur de mon peuple et la gloire de mon règne. Mon grand vizir, que fait-il? Mon grand vizir mange. Mon grand vizir dort. Mon grand vizir invente des proverbes, car il pense, mon grand vizir. Est-ce qu'un grand vizir pense? Marche. Non, arrêtons-nous. Je ne sais pourquoi ce vieil homme qui vient vers nous sur la rive du fleuve tout d'un coup m'intéresse. Il porte un couffin et appuie sa marche sur un bâton plus gros que ses 2 jambes réunies. Écoute, il parle à haute voix. Dissimulons-nous sous cette porte. Voilà donc un extrait d'une fiction de Radio France datant de 1959. C'est ce qu'on a plus ou moins en tête avant de commencer dans les archives à tenter de discerner ce qui est le vrai du faux, entre les mille et une nuits, le portrait de Haroun al-Rachid tel qu'il est fait dans une fiction comme celle-ci, avant de faire comme vous, Vanessa Van Rentergem, c'est-à-dire rentrer dans la réalité de ces archives de Bagdad, donc au XIe, XIIe siècle, puisque vous êtes intéressé à cette fin de période, pourrait-on dire, pour la ville médiévale qui était Bagdad, ville fondée, on l'a dit, au 8e siècle, qui a cette forme ronde au tout début, mais quand vous vous y intéressez, vous, déjà, elle n'a plus tout à fait cette forme de son origine. Elle a déjà été profondément transformée par des conquêtes, des reconquêtes, des guerres de succession qui vont la rendre très différente de ce qu'elle était au départ. Oui, et également par toute une œuvre bâtisseuse des Bagdadiens eux-mêmes, du pouvoir d'une part qui très vite multiplie les palais. C'est vrai que le premier noyau urbain de Bagdad, c'est cette ville ronde fondée en 762, nous disent les textes, par le calife Al-Mansour, le deuxième calife de la dynastie des Abbassides, qui la pense comme une ville palatiale, une ville où au milieu se trouve le palais, la mosquée, les bâtiments administratifs, mais dont la population est exclue. C'est-à-dire que dès le départ, la ville ronde de Bagdad a des faubourgs. Ça, on l'oublie un petit peu parfois. Des faubourgs très peuplés. Une sorte de ville idéale, la ville de pouvoir et d'administration, cette ville ronde. Et aux alentours, il y a la vie qui s'installe d'une certaine voilà, façon, les commerces. On décide de placer les marchés à l'extérieur de la ville pour en fait préserver la sécurité du pouvoir. Hein, il ne s'agirait pas que la population un peu turbulente du peuple bagdadien puisse se révolter contre le calife, assaillir le palais, etc. Donc on a effectivement une ville-palais protégée par toute une série d'enceintes, à l'intérieur de laquelle il y a quand même des gens qui résident, mais qui sont plus les hauts fonctionnaires, les généraux de l'armée, les responsables de l'administration, etc. Et puis la population civile est placée à l'extérieur. Mais très vite, il y a une expansion de très nombreux autres quartiers autour de cette ville ronde. Et dès le siècle suivant sa fondation, sur la rive orientale, qui n'est pas la première rive où est fondée la ville. Oui, et il faut dire qu'il y a donc ces deux parties de villes qui existent encore aujourd'hui et qui sont très différentes, dit-on, rive occidentale et rive orientale. Enfin, c'est comme ça qu'on les présente généralement, Vanessa Van Rentergem. Oui, tout à fait. Il faut bien s'imaginer une ville traversée par un fleuve extrêmement large. Mais d'ailleurs, l'emplacement de cette ville n'a pas été choisi au hasard. On est vraiment au croisement de tout un tas de routes commerciales, à la fois terrestres et fluviales, qui font qu'effectivement, on imagine que ce peuplement était quelque peu prévisible au moment où on a installé cette ville ronde, ce centre administratif fortifié, qui de toute façon allait appeler à l'installation, ou en tout cas au passage, un flux de passage très important. Oui, alors comme dans souvent les récits de fondation de villes, on a une ville qui est fondée à l'emplacement où existait déjà un petit village ou au moins un marché. Donc on a déjà une fonction économique qui préexiste à la fondation de la capitale politique. Et on nous dit effectivement que la ville est au carrefour de routes commerciales. On peut naviguer sur le Tigre et y ramener des marchandises qui proviennent du golfe Persique et qui donc mettent Bagdad en position de carrefour des marchandises du marché de l'Extrême-Orient. On ramène des marchandises de Chine, d'Inde, etc. Et puis, il faut bien voir voilà, ce fleuve très large qui est difficile à traverser à l'époque médiévale. On y construit des ponts, mais ce ne sont pas des ponts en dur. Hein. Il faut bien voir que jusqu'au XXe siècle, ce sont des ponts de bateaux, c'est-à-dire que l'on juxtapose des barques, enfin des grandes barques, et on pose sur ces barques un plancher flottant. Ce qui fait que ce sont des ponts fragiles. Hein, si le fleuve déborde un peu ou si le vent souffle trop fort, ils peuvent être défaits, mais ils sont aussi beaucoup plus faciles à refaire qu'un pont de pierre. Anaïs Kien. Et cette ville se caractérise aussi très rapidement par son grand cosmopolitisme, puisque effectivement c'est un fort lieu de passage, mais c'est un fort lieu d'effervescence aussi et d'activité pour tout un tas de peuples qui s'installent ici, qui passent, qui s'installent définitivement ou temporairement. Absolument. Donc une ville d'immigration, c'est normal. C'est une ville fondée. Il faut bien lui trouver une population. Donc des populations qui viennent d'Irak à proprement parler. Mais il faut bien voir que l'Irak est vraiment en situation, de carrefour de populations très variées. On trouve des traces de sollicitations de populations pour venir justement peupler cette nouvelle capitale. Non, alors pas à l'incitation des califes par exemple, c'est plutôt le côté grande ville, capitale économique florissante qui attire toute une population, disons à un niveau régional et puis à un niveau plus international, on pourrait dire pour l'époque. Ce sont des populations de tout l'empire abbasside qui viennent s'installer dans la ville parce que c'est le siège du pouvoir. Donc en particulier, beaucoup de populations qui viennent d'Iran. Hein, il faut bien se souvenir que l'empire abbasside, c'est un empire très vaste qui va, disons, de l'Égypte jusqu'à l'Asie centrale. Et donc à Bagdad, on va retrouver des représentants des populations de ces différentes régions, notamment au niveau des élites intellectuelles qui viennent près de la cour abbasside parce que les abbassides sont des mécènes et qu'à Bagdad, on va très vite développer un rôle de centre du savoir, de centre d'élaboration et de diffusion du savoir dans tous les domaines des sciences de l'époque. Alors la forme parfaite de cette ville ronde de départ, administrative, militaire et de pouvoir, ne va pas durer très longtemps en fait, parce que presque moins d'un siècle après sa création, elle va être détruite dans la guerre fratricide des enfants de Haroun al-Rachid. Donc on est aux alentours de 809, 810, 815. Et dans cette période-là, on va détruire les remparts, justement ces grands remparts de 50 mètres de haut que vous nous décriviez tout à l'heure, Vanessa Van Rentergem, et on va donc réimaginer une ville à partir de cette forme, mais en la faisant beaucoup évoluer. Oui, c'est-à-dire que la ville ronde perd très vite son caractère de monopole de lieu du pouvoir et de centre administratif. Les califes très vite se construisent des palais ailleurs, en dehors de cette ville ronde, avant même qu'elle soit détruite. Et donc cela facilite leur migration progressive vers la rive orientale, qui est l'endroit où finalement ils s'installent à partir du Xe siècle, et où se développera un nouveau centre palatial, hein, sur la rive orientale cette fois-ci, lui aussi entouré de murailles, mais qui jouxte le fleuve, contrairement à la ville ronde. Anaïs Kien. Ce qui est très, très charmant d'une certaine façon dans votre champ, dans vos recherches, Vanessa Van Rentergem, c'est que finalement, on l'a dit, il y a peu de traces matérielles, il y a peu de matérialité du Bagdad dont vous parlez, sur lequel vous faites vos recherches. Donc du coup, vos sources sont essentiellement constituées de textes écrits par des Bagdadis, par des gens qui habitaient Bagdad à cette époque-là, essentiellement des élites de tous ordres, au tournant de ce 10e et de ce 11e siècle. Du coup, c'est une histoire très incarnée, c'est une histoire de la ville à travers l'action des hommes qui la peuplent finalement. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui m'intéressait dans ma recherche, c'est de voir la dynamique, comment les habitants de la ville construisent la ville et comment la ville construit à son tour des sociabilités et des configurations sociales particulières. Qu'est-ce que c'est qu'être Bagdadi, voilà, au 11e ou au 12e siècle? Vous avez notamment beaucoup travaillé sur la façon dont on nomme la ville, les différents quartiers de la ville et dont on nomme aussi les populations qui peuplent cette ville. Oui, alors il faut bien voir que pour connaître cette Bagdad prémoderne, on va dire, alors il ne faut pas exagérer, il reste quelques vestiges, hein, mais ils datent essentiellement du XIIe siècle et après, surtout du XIIIe, et puis après de l'époque mongole à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il y a des très beaux bâtiments qu'on peut encore voir aujourd'hui à Bagdad, une madrassa du XIIIe siècle, un khan, un caravansérail du XIVe, enfin qui sont de magnifiques exemples d'architecture de briques, mais qui ne nous donnent que quelques jalons sur les quartiers, des jalons relativement tardifs, bien sûr, sur les différents quartiers de la ville. Donc pour connaître la Bagdad de l'époque, disons avant le XIIIe siècle, il faut aller se promener avec les Bagdadiens de l'époque, qui heureusement nous ont laissé des descriptions de leur ville, hein, qui sont souvent des descriptions très, comment dire, fières, hein, de leur ville, de sa beauté, des différents monuments qui existent, et puis des récits de voyageurs aussi, qui eux n'étaient pas des Bagdadiens, comme Ibn Jubayr, par exemple, grand voyageur andalou du XIIe siècle, ou bien Ibn Battuta, encore plus célèbre voyageur maghrébin du XIVe, qui sont allés à Bagdad, qui ont visité la ville et qui ont laissé leurs impressions et leurs descriptions de cette ville. En vous lisant, on se dit parfois que justement ces voyageurs nous raconte un Bagdad surtout plutôt tardif, donc du 12e, 13e ou 14e siècle, un Bagdad qui pourrait être comparé à la façon dont les voyageurs occidentaux ont vu Rome d'une certaine façon, avec la question du déclin, la question d'une ville qui n'est plus ce qu'elle était, la question d'une ville qui n'est que l'ombre d'elle-même d'une certaine façon, parce que il y a ce discours, pourrait-on dire, sur Bagdad capitale, vous l'avez dit tout à l'heure, du monde intellectuel, lieu des découvertes à la fois en mathématiques, en astronomie, en littérature, lieu des traductions du syriaque, en syriaque des grands auteurs grecs par exemple, et tout cela c'est su dans le reste du monde musulman en particulier. C'est su, mais d'une certaine façon, quand on découvre Bagdad au XIIe siècle, comme Ibn Jubayr, par exemple, eh bien, on se dit c'est une ville en ruine, ou c'est presque une ville en ruine, en l'occurrence, Vanessa Van Rentergem. Oui, et c'est d'ailleurs l'impression qui existait dans la bibliographie quand j'ai commencé mes recherches. On disait, voilà, Bagdad au XIIe siècle n'est plus qu'un tas de ruines, en fait. Et puis, quand même, les textes historiographiques, les chroniques, les dictionnaires biographiques, qui sont très nombreux pour l'époque, nous montraient, au contraire, des milliers et des milliers de personnes vivant dans cette ville soi-disant en ruine, une ville très active, avec des marchés, avec une activité intellectuelle de production, d'ouvrages, etc. Donc moi, je suis partie un petit peu de cela au départ, en me disant, bon, c'est quand même curieux, comment peut-on avoir une ville détruite, mais une ville qui est peuplée, populeuse, etc. Parce qu'on la fantasme différemment, tout simplement. Oui, alors il faut bien voir également que le thème de la ruine urbaine, c'est un topos de la littérature arabe médiévale, qui existe d'ailleurs même avant la ville, C'est le topos du campement effacé dont ont disparu les traces de la bien-aimée qu'on retrouve dans la poésie anti-islamique, etc. Et qui ressurgit pour dire que les villes ne sont plus ce qu'elles étaient, que les beaux monuments sont en ruine, que l'époque actuelle est vraiment une décadence par rapport à un passé glorieux. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi dans d'autres sphères. Les sortes de vanités. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux parfois certains de ces textes, c'est-à-dire que peut-être certains de vos prédécesseurs, historiens travaillant sur cette ville médiévale, ont pris peut-être trop au pied de la lettre certains de ces textes qui décrivaient justement cette décadence de la Bagdad du XIe et XIIe siècle. Alors que vous dites, si on y va voir de plus près, si on lit justement toute cette prosopographie, ces récits de vie de ceux qui arrivent à Bagdad, de ceux qui sont nés à Bagdad, de ceux qui partent de Bagdad, on s'aperçoit qu'il n'en est rien d'une certaine façon. Oui, disons que dans ces textes-là, il faut toujours faire la part du topos, essayer de voir aussi. Ibn Jubayr, c'est un Andalou qui rêve de l'Empire Omeyyade, c'est-à-dire des prédécesseurs des Abbassides et dont la capitale est Damas. Quand il arrive à Damas, il s'écrit Damas, c'est le paradis. La perle de l'Orient, le paradis terrestre, voilà, la ville idéale. Donc en regard, c'est vrai que Bagdad ne peut pas briller à ses yeux autant. Donc ça, c'est un aspect, bien sûr, que les historiens prennent en compte. Et puis ensuite, il faut bien voir que il y a tout cet aspect dont on parlait de ces constructions en briques. La brique bagdadienne, c'est effectivement une brique solide qu'on met longtemps à fabriquer. Et c'est un matériau qu'on peut remployer, et qu'à l'époque médiévale, on réemployait beaucoup. Donc ce que Ibn Jubayr voit parfois, des édifices en ruine, des tas de briques, peut-être que ça lui paraît des décombres, mais c'est aussi un réservoir pour les Bagdadiens pour construire de nouveaux bâtiments. Donc il y a tout cet aspect où on peut voir la ruine dans ce qui est en fait un aspect du dynamisme urbain finalement. Ça paraît paradoxal, mais on peut le voir comme ça. Et puis il y a les voyageurs qui viennent voir, et puis il y a les conquérants qui viennent conquérir justement cette ville de Bagdad aussi. Et si elle était si peu importante sur l'échiquier international des grandes villes, on ne viendrait pas prendre la peine de la prendre, de la garder dans sa besace de nouveaux conquérants. C'est ce que vous avez connu avec les Turkmènes Seljoukides, qui certes ne vont pas faire de Bagdad leur capitale, mais qui néanmoins vont conserver à Bagdad un rôle important dans l'Empire Seljoukide, dont la capitale va migrer plutôt vers l'Iran, plutôt un peu plus à l'est, c'est ça ? Oui, alors les Seljoukides sont restés très largement itinérants. Ils n'avaient pas forcément une capitale au sens en dur où on l'entend aujourd'hui. Quant à Bagdad, son importance vient tout simplement du fait que c'est le siège du califat. C'est là que se trouve le calife, c'est là que le calife a ses palais, qu'il réside avec sa famille, etc. Donc contrôler Bagdad, c'est symboliquement contrôler le califat. Et donc, contrôler le pouvoir religieux aussi, qui est aussi un pouvoir civil. Comment ça, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a le dernier numéro de l'histoire sur ce thème-là, la vérité sur les califes. C'est quoi ? Oui, c'est-à-dire que le calife, c'est surtout la tête symbolique de la communauté sunnite, hein, de la Oumma. C'est le seul pouvoir politique qui est reconnu par les juristes sunnites de l'époque. Ce qui ne lui donne pas un rôle religieux à proprement parler, mais ce qui en fait une figure tout à fait symbolique et qui reste, disons, fictivement, à l'origine de la légitimation du pouvoir. Hein, pour se faire nommer sultan, même si on a pris le pouvoir par la force et qu'on va le garder par la force, il faut aller voir le calife et se faire remettre la couronne, les insignes du pouvoir et se faire nommer sultan par un calife, même si ce calife n'a plus aucun pouvoir en réalité. Anaïs, qui est-ce que justement le fait que Bagdad soit la résidence du calife nous permet peut-être de retrouver des discours politiques qui expliciteraient le rapport de chaque dynastie, de chaque sultan avec ce pouvoir religieux? Est-ce qu'on voit dans le traitement de Bagdad, tout simplement dans la place que prend Bagdad au fil des siècles, entre le 9e et le 13e siècle, l'évolution de ce rapport, de ce pouvoir politique à ce pouvoir religieux, en passant par le traitement, par la place que semble prendre Bagdad au fil des siècles? Alors les géographes arabes des 9e, 10e siècle, etc., font de l'Irak le centre du monde et Bagdad le nombril de l'Irak. Donc doublement central, si vous voulez. Là, il y a un consensus très clair. Il y a un consensus très clair. Bon, ce sont les personnes qui écrivent habitent Bagdad. Ouais. Donc, c'est aussi... voilà. Paris est le centre du monde, tout le monde le sait aujourd'hui. Exactement. Et l'Empire du Milieu est au milieu. Donc il y a cette centralité symbolique avec au centre du monde cette ville ronde de Bagdad et au centre de cette ville ronde le calife en son palais. Oui, ça nous dit bien quel est le rôle du calife dans cette construction symbolique. Cela dit, le calife n'est pas l'autorité religieuse suprême en islam. Ce n'est pas lui qui définit le dogme. Le dogme est laissé le dogme et puis le rite, etc., sont laissés à l'élaboration des oulémas, les élites religieuses. Et donc, il y a toujours dans l'histoire islamique un équilibre assez complexe et mouvant entre, justement, le calife et les élites politiques d'une part, et puis ces autorités religieuses qui gravitent plus ou moins dans l'entourage du calife d'autre part. Alors, vous avez travaillé, Vanessa Van Rentergem, sur les élites bagdadiennes, justement, dans cette période du 11e, 12e siècle. En vous intéressant le plus largement possible justement à cette notion d'élite, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a des élites civiles, des élites religieuses, des élites commerçantes? Comment y a-t-il des mariages entre ces familles? Qui garde le pouvoir le plus longtemps possible? Qu'est-ce que justement cette création d'une élite importante et très variée, militaire, religieuse, civile, peut dire de ce qu'était la ville et de la façon dont elle s'est développée dans cette période-là, justement, Vanessa Van Rentergem? Alors, ce qu'on voit bien, c'est justement le cosmopolitisme avec un mélange de personnes qui sont de lignées familiales arabes, d'autres qui sont beaucoup plus mélangées. À l'époque que j'étudie, il y a un gros apport de population orientale, on va dire iranienne, avec des familles qui s'installent à Bagdad et qui font carrière, notamment, par exemple, dans le domaine du soufisme. C'est une période où le soufisme s'institutionnalise. Il jouit de la reconnaissance du pouvoir politique. Et donc, on peut étudier ce phénomène d'installation et de succès à Bagdad de lignages orientaux. Et qui joue sur l'urbanisme de la ville, d'après ce que vous voyez Oui, parce que les élites de la ville investissent beaucoup dans leur ville en y fondant toute une série d'institutions. Et notamment au 11e, 12e siècle, c'est la grande période de floraison des madrassas, qui sont des écoles où l'on étudie le droit essentiellement. Le droit musulman, et qui sont des fondations privées. Alors parfois, elles sont faites par des hauts fonctionnaires, des vizirs, plus rarement des califes, des sultans, etc. Mais cela reste des fondations privées qui sont, dans une bonne mesure, des fondations des Bagdadiens eux-mêmes. Anaïs Kien. Et vous avez pu rencontrer aussi, à travers ces textes, des informations sur la place des minorités religieuses, notamment dans cet espace territorial de Bagdad. Oui, tout à fait. Alors, j'aime pas trop le terme de minorité, moi, parce que le rapport numérique, on le connaît mal. Il évolue à travers la période. Mais Bagdad, depuis sa fondation, a une importante population chrétienne et juive, notamment de chrétiens nestoriens, qui sont les chrétiens orientaux présents jusqu'en Chine à l'époque médiévale. Et Bagdad est aussi le siège de leur autorité religieuse suprême, qui est le catholicos nestorien. Il en va de même avec les populations juives, parce qu'à Bagdad se trouvent les grandes académies juives de l'époque, qui sont une référence pour tout le judaïsme médiéval, y compris en Europe. Hein, si on veut avoir un avis juridique d'un grand rabbin sur une question précise, on envoie une lettre au chef de l'académie de Bagdad. Et puis se trouve aussi à Bagdad celui qu'on appelle l'exilarque, le chef de l'exil juif, donc l'autorité civile, si vous voulez, responsable théoriquement du judaïsme médiéval. Donc c'est une capitale à de multiples titres, finalement, cette ville de Bagdad. Oui, disons que la présence du calife abbasside a entraîné le fait que ces élites religieuses et nestoriennes et juives se soient déplacées vers Bagdad. Au départ, elles ne sont pas à Bagdad, elles sont en Irak, à Ctésiphon, l'ancienne capitale sassanide. Et puis, elles se déplacent à Bagdad autour du 9e siècle pour être plus proches de la cour califale, ce qui veut dire aussi pour être mieux contrôlées par le calife. Et on a bien compris la description que vous nous faites de ce Bagdad du 11e, 12e siècle, qui est au cœur de votre thèse, en l'occurrence, Vanessa Van Rentergem. Ça n'est pas du tout la description qu'on en faisait avant votre thèse, il y a encore quelques années ou quelques dizaines d'années, d'une ville en déclin. Vous nous décrivez le contraire d'une ville en déclin. C'est une ville qui peut-être déclinera, mais beaucoup plus tard. C'est vers quel siècle qu'on peut dire que, au bout du compte, Cecilia Péri, cette ville va décliner, devenir un gros bourg ou une grosse ville de province pour redevenir la capitale dont on va parler avec vous tout à l'heure? Ouais, je pense que, grosso modo, c'est à partir du 14e, 15e siècle, mais il y a quand même eu des périodes de renaissance, notamment lorsque les Iraniens, en fait, on en fait une capitale importante, en y construisant des sanctuaires très importants au 16e ou 17e siècle. Et puis, bon, on peut dire aussi que Bagdad, certes, n'était qu'une des, un chef-lieu, en fait, à partir de l'époque ottomane. Mais, oui, on peut dire que la renaissance moderne de Bagdad, ça commence en gros à partir de 1870, quoi. Maintenant, abordons l'actualité en politique étrangère, car il y a un fait très important que nous allons vous rapporter. Eh bien, l'étranger, c'est l'Irak qui aujourd'hui retrouve tragiquement la vedette de l'actualité avec une suite d'événements sensationnels qui sont connus depuis quelques heures seulement. Bagdad vient en effet d'être le théâtre d'un coup d'État, et d'un coup d'État réussi apparemment. Les insurgés pro-nassériens sont parvenus à abattre le gouvernement pro-occidental de M. Nouri Saïd. Nouri Saïd, Premier ministre, a d'ailleurs été massacré de façon particulièrement odieuse, de même que le jeune prince héritier Abdoulilah. Quant au roi Faisal, on ne sait pas exactement quel sort lui a été réservé, mais certaines dépêches annoncent qu'il aurait été arrêté. Le pouvoir à Bagdad serait maintenant assumé par un conseil de souveraineté qui compte 3 membres. On aimerait savoir, bien entendu, si la nouvelle de l'arrestation de Faisal va se confirmer ou non, car le jeune roi devait prendre l'avion ce matin même pour Istanbul, où se réunira demain une conférence des pays musulmans du pacte de Bagdad. Les 3 autres pays musulmans, outre l'Irak, étant, rappelons-le, l'Iran, la Turquie et le Pakistan. Première conséquence, en tout cas, du coup d'État, l'alliance irako-jordanienne, la seule alliance de pays arabes qui se soit trouvée en face des amis du président Nasser, a déjà cessé d'exister. Et les nouveaux hommes au pouvoir à Bagdad ont déjà reconnu la République arabe unie. Voilà pour le journal de France Inter. C'était en 1958, donc, et ça nous rappelle effectivement que le XXe siècle a été assez agité, ce XXe siècle sur lequel vous travaillez, Cecilia Péri. Et ça pour scandalise Cecilia Péri. Oui, parce que effectivement, je crois que ça n'était pas le fils de Faisal, mais c'était son neveu, c'est ça? Non, Abdoulilah n'était pas le cousin du roi, c'était le jeune cousin, c'était l'oncle beaucoup plus âgé du roi actuel. Donc, voilà, bon, c'est une erreur de nos confrères de 1958 dans cette archive. C'est une façon de faire un grand saut par rapport à ce que nous racontait à l'instant même Vanessa Van Rentergem dans cette ville de Bagdad. qui tombe dans un sommeil relatif pendant plusieurs siècles, avant de redevenir, vous disiez 1870, 1870 exactement, parce que c'est l'arrivée en fait du sultan Midhat Pacha, qui donc est un ottoman, et qui a pour but vraiment de mettre en œuvre à Bagdad les tanzimats, c'est-à-dire les réformes ottomanes, qui commencent par exemple par détruire une partie des remparts, parce qu'il avait le modèle des boulevards circulaires de Paris et le ring de Vienne, donc en fait les deux influences qui marquaient beaucoup durablement la culture urbaine ottomane, donc l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et la France de l'autre. Et donc lui avait, il a modernisé, il a créé une école de travaux publics, il a créé beaucoup d'écoles secondaires. Il y avait également une imprimerie. Donc on peut dire que c'est le premier coup d'envoi de la modernisation à l'européenne, où c'est une européanisation de seconde main. Oui, c'est ce que vous dites. Vous faites d'ailleurs la différence dans vos travaux, Cécilia Perry, entre une occidentalisation de seconde main, que vous décrivez comme telle, c'est-à-dire cette occidentalisation, entre guillemets, due à l'Empire ottoman, inspirée lui-même par les grands développements des sciences, des techniques et de l'urbanisme européen de la seconde moitié du XXe siècle, et puis une occidentalisation, un changement qui serait dû à l'arrivée, là, plus tard, dans les années 20, des Européens par le mandat britannique sur cette région du monde. Oui, là, il y a une complète... on peut bien dire que ce soit une rupture, mais il y a vraiment une réorientation complète, puisque les Britanniques arrivent directement au pouvoir. Bon, je sais bien que en 1921, le royaume d'Irak a été créé... sous assistance, donc on comprend pas très bien ce que c'est qu'une indépendance sous assistance, ça c'est le texte même du mandat britannique, mais enfin c'est toute l'ambiguïté de la colonisation qui crée un royaume sous assistance britannique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait les Britanniques sont directement au pouvoir, directement aux commandes, ils créent toute une série de départements, de ministères qui n'existaient pas autrefois, c'est-à-dire qu'ils structurent en fait le pouvoir public selon un modèle strictement européen dont ils prennent les commandes. Il y a des responsables de département, des directeurs de département avec une hiérarchie très établie qui d'ailleurs intègre beaucoup d'Irakiens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Britanniques ont repris en fait toute une série des élites sunnites qui étaient déjà au pouvoir sous l'Empire ottoman à la fin, et qui lesquelles élites n'imaginaient pas une seconde perdre le pouvoir. Donc en fait, il se retrouve intégré à un second niveau dans ces nouvelles structures de pouvoir, mais et aussi bien dans l'urbanisme que bien entendu dans l'agriculture, la politique, etc. Anaïs Kien. Et justement, dans les traces de ce mandat britannique, dans les traces que laissées par ce mandat britannique, on voit cette présence paradoxale, c'est-à-dire à la fois un pouvoir tenu par les Britanniques, mais ça n'est pas une colonisation, donc on ne prend pas en main un plan de réforme de la ville globale qu'on pourrait repérer encore aujourd'hui par ces grands traits. Finalement, la ville elle-même évolue dans ces années 20 de manière très très très très autogérée par des professionnels plus que par une politique de la ville qui imprimerait un pouvoir très très clairement institué dans ces rues. Oui, alors en fait, comme vous dites, la chose est très ambiguë, parce que d'abord, il semble bien, d'après les archives que j'ai étudiées à Londres, il semble bien que les Britanniques aient eu quand même des projets urbains très ambitieux, et au niveau, par exemple, de la construction des écoles, et au niveau vraiment de la construction d'une trame urbaine différente. Mais ils ne l'ont pas mise en œuvre. Alors, ils ne l'ont pas mise en œuvre pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu très vite des coupes budgétaires, tout simplement, et aussi parce que les Irakiens ne leur ont pas rendu la vie très facile. Les Irakiens ont vraiment rué dans les brancards depuis le début. Parce qu'ils voulaient l'indépendance. Parce qu'ils ne voulaient pas de ce mandat qui leur paraissait une suggestion insupportable, et donc ils ont vraiment cherché à compliquer la tâche des Anglais. Cela étant, les Britanniques ont quand même apporter un certain nombre de choses. D'abord, ils ont modifié le cadastre, ils ont institué toute une série, par exemple, de mesures comme le fait de mettre des adresses individuelles et un numéro à chaque maison, ce qui n'était pas le cas dans à l'époque du cadastre ottoman, ce qui permettait à chacun d'avoir une adresse individuelle. Ensuite, alors, ils n'ont pas détruit la ville, ils n'ont pas imposé un urbanisme à l'occidental sur la ville existante, comme par exemple ce que les Français ont fait à Beyrouth, mais ils ont prolongé, au-delà de la limite des remparts, ils ont commencé à construire des quartiers en dirigeant. Alors, il y avait un directeur des travaux publics qui était un Britannique, et ils sont restés britanniques jusqu'en 1936, donc au-delà de l'indépendance de 1932, et ils ont commencé à construire des quartiers qui étaient malgré tout des quartiers, ils ont exporté un urbanisme de type européen, avec des rues droites. Pourquoi des rues droites et larges? Parce que en 1912... ils avaient fait l'expérimentation des manifestations au Pakistan, et donc ils ont compris que dans les rues droites et larges, on ne peut pas faire de barricades. C'est d'ailleurs un des principes haussmanniens également. Ça permet aussi de faire circuler les voitures militaires, ça lutte contre la contagion. Donc c'est un urbanisme malgré tout différent qui s'installe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de colonisation, comme vous dites, mais ce n'était pas une colonie de peuplement. Mmh. Et donc, dans ces quartiers nouveaux, ce ne sont pas seulement les Britanniques qui se sont installés, mais c'est aussi les Irakiens. Donc c'est des quartiers mixtes dès qui le départ. Qui ont été adoptés d'une certaine façon. Tout de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi les gens qui arrivent avec cette fausse ou véritable colonisation sous un autre nom, pourrait-on dire, il y a beaucoup de gens qui ont été formés, qui ont participé à des opérations d'urbanisme en Inde, dans des territoires britanniques anciens. Ils ont été formés au moment de la création de New Delhi, par exemple, oui. Et ils viennent donc s'installer à Bagdad, pour certains d'entre eux, Wilson ou d'autres, pour imaginer peut-être ce nouveau Bagdad qu'on va créer à côté de l'ancien. Ah oui, absolument. Et là, de ce point de vue-là, il y a vraiment, manifestement, enfin, c'est ce que révèlent les archives britanniques, il y a vraiment une très grande différence entre la volonté d'agrandir et d'embellir Bagdad et l'Irak d'une manière générale pour perpétuer un modèle architectural et urbain pour le reprendre, en fait, pour refaire revivre la grandeur de l'Irak. Donc ça, c'est les urbanistes et les architectes. Puis de l'autre, les politiques qui disent non, ça coûte cher et on va tout couper. Est-ce que c'est une architecture qui se veut orientalisante? On sait qu'il y a des débats dans ces années-là, dites-vous, dans vos travaux, Cécilia Péri, entre ceux qui pensent aux racines bédouines, entre guillemets, de ces régions-là, et à ceux qui disent il y a de l'autre côté les urbains et ça n'est pas la même chose, etc. Est-ce qu'il y a des débats sur des parodies d'architecture orientale, ou est-ce qu'au contraire c'est le mouvement moderne qui va progressivement prendre la place dans cette nouvelle ville de Bagdad recréée par les Européens et par les Irakiens eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier les Irakiens comme architectes de leur propre ville? Alors moi je dirais que c'est exactement entre les deux, c'est-à-dire que les Britanniques ont toujours eu partout une attitude relativement culturaliste consistant à prendre en compte la tradition existante des pays. Donc il n'y a pas d'urbanisme impérial purement britannique qui s'exporterait aux quatre coins de l'Empire colonial britannique. Non, il y a un urbanisme de type européen et fonctionnel qui s'installe à Bagdad, en dehors de l'ancienne ville, je dirais pour des raisons, surtout, comme je vous l'ai dit, de police et logistique. Mais sur le plan architectural, on peut dire qu'il n'y a absolument aucune volonté de faire de l'orientalisme de la part des Britanniques. Ils font des bâtiments qui sont fonctionnels, qui sont relativement modernes, qui reprennent en fait sur le plan du style plutôt le style tardif ottoman. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense, alors là on dispose de très très peu d'archives, hein, je ne suis pas médiéviste, mais vraiment les archives concernant la Bagdad du XXe siècle sont également très chiches. Et manifestement, les directeurs de départements britanniques travaillent avec des maîtres maçons irakiens. Donc, on le voit par exemple dans le cas de la première université qui a été construite et inaugurée en 1924. Le plan de l'université est un plan de campus à la britannique, mais le décor reprend toute une série de traditions irakiennes, locales et abbassides. Anaïs Kien. à partir des années 30, et puis ensuite, lorsqu'on passe, je passe très très vite parce que nous avons peu de temps pour finir cette période, à partir des années 30, les Britanniques s'effacent, et puis ils vont revenir avec la Seconde Guerre mondiale, vont occuper l'Irak jusque dans les années, à la fin des années 40. Comment finalement l'Irak va inventer un urbanisme et une architecture de type national? Alors, de type national, moi, je dirais qu'il faut attendre la Révolution. En fait, de 1958. En fait, pour moi, la Révolution de 1958 a vraiment été le début de l'indépendance irakienne, en tout cas dans ce domaine, et je pense aussi dans le domaine politique. C'est-à-dire que les Britanniques sont restés très longtemps en sous-main. En tutelle. Et en plus, à partir de 1941, donc il y avait eu un coup d'État pro-allemand, et donc ils ont réoccupé l'Irak jusqu'en 1948. Et puis après... À partir de 1950, là, on est obligé d'aller très vite, mais ce sont les Américains qui sont arrivés. Hein. C'est-à-dire que c'est la Banque mondiale. Finalement, les Britanniques ont commencé à s'effacer à partir de 1950, quand la Banque mondiale est arrivée. C'est vraiment l'architecte d'Occident. Donc les Britanniques n'avaient plus les moyens, finalement, d'être là. Ils n'avaient là. Plus vraiment les moyens, et les Américains, eux, donc la Banque mondiale, ont incité les Irakiens à commander toute une série de plans. Ça a été le début, vraiment, des plans d'urbanisme à grande échelle, et aussi des grandes commandes architecturales. Qui ont fait venir des gens comme Le Corbusier, comme Frank Lloyd Wright, Joe Ponti, etc. Mais c'est à partir de 1958 que les Irakiens ont vraiment mis en œuvre une école architecturale irakienne, qui était à la fois moderne et irakienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés, donc les premiers ont été formés en Occident, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'école d'architecture à Bagdad avant 1959, ce qui est quand même très tard, mais alors qu'il y avait une école des beaux-arts depuis 1939, mais ils ont donc été formés en Occident, ils sont revenus dans leur pays à partir des années 60 pour créer une école architecture irakienne. Et sur le plan de l'urbanisme, ce qui est intéressant, c'est que les références ont complètement changé parce que la révolution irakienne s'est tournée vers l'Europe de l'Est. Donc on a eu les Polonais et l'expertise, disons, soviétique, entre guillemets. On a beaucoup de bâtiments brutalistes, d'ailleurs, qui naissent dans ces années-là. Beaucoup de bâtiments brutalistes, beaucoup de rocades urbaines, bon, mais comme ça a été le cas dans d'autres villes aussi. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les architectes irakiens pensent leur ville et qu'ils construisent pour des grands bâtiments civils ou militaires, mais qu'ils construisent aussi pour les Irakiens eux-mêmes, pour leur propre maison. Et la particularité de votre travail, en l'occurrence, c'est Sia Perry, c'est d'avoir mis en relation, non seulement la grande architecture, pourrait-on dire, civile et militaire qui est liée à la construction d'un État, mais toute cette petite architecture civile qui est l'architecture privée des commandes de villas par cette classe moyenne qui commence à naître dans ces années-là. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme un certain nombre de ces architectes irakiens, en fait, fraîchement diplômés, quand ils revenaient en Irak, se voyaient confier des responsabilités importantes, notamment dans le département des travaux publics. Et donc, ils ont construit à la fois, c'est eux qui ont à la fois construit les bâtiments publics et l'architecture civile. Et donc, ils interviennent très souvent pour construire, par exemple, des lotissements. Donc, le même architecte qui a une formation extrêmement exigeante construit l'État et construit toute une série de quartiers résidentiels, ce qui explique le côté particulièrement soigné de ces maisons, parce que en plus, les architectes irakiens dessinent tout, depuis le plan de la maison jusqu'à la poignée de porte. Oui, Hicham Mounir a été formé, dites-vous, à la fois au Texas et dans l'école de Gropius, donc on voit aussi qu'il y a aussi peut-être... Il a travaillé avec Gropius, donc c'est le lointain écho de Bauhaus qui peut se trouver sur les bords du Tigre. Et donc tout cela nous donne un urbanisme qu'on connaît peu, qu'on connaît pas, pour ceux qui ne s'y sont pas rendus, qu'il faut découvrir au fur et à mesure des rues quand on se promène dans Bagdad. Et vous dites qu'il était menacé, cet urbanisme-là, et cette architecture-là était menacée par les guerres, évidemment, les bombardements sur Bagdad, et peut-être aussi des destructions liées à la difficulté de vivre dans cette ville aujourd'hui. Actuellement, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur cette ville, urbanisme et architectural. Il y a d'une part l'exode, hein, qui fait que beaucoup de maisons sont vides, et il y a beaucoup de gens qui continuent à partir de Bagdad. Donc quand une maison est vide, elle est louée en général, soit elle est abandonnée, enfin elle est vide, donc elle s'abîme, soit elle est louée à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'on loue finalement au premier qui accepte de venir vivre. Donc ce sont des gens qui déforment les maisons. En plus, depuis 2010, il y a un marché passé avec des sociétés turques et chinoises d'aluminium qui mettent partout des façades des doubles façades, qui clipent des façades d'aluminium. Donc la ville est en train de... le centre-ville et les quartiers résidentiels, qui étaient absolument somptueux jusqu'en 2003, commencent à ressembler à des espèces de sorties de ville immondes. Donc ça se tertiarise, ça se ruralise aussi, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de gens de la campagne qui viennent habiter Bagdad, donc ils n'ont pas les mêmes références, ce ne sont pas des urbains. Donc des quartiers résidentiels jusque dans les années 2003 se trouvent maintenant transformés en basse-cour avec des ânes et des poules qui circulent partout. Et c'est quand même très dommage. C'est-à-dire que c'est finalement l'absence de sécurité fait et l'instabilité politique crée un terreau propre à finalement vider la ville de son urbanité. Et je pense que c'est ça le danger le plus grave, n'est pas tant la destruction physique que la destruction civique et urbaine. Et en dehors d'ailleurs des destructions liées aux guerres, à ces années de guerre avec ces pauses entre deux guerres qui n'ont pas vu de destruction à proprement parler de la ville, mais parfois des reconstructions des zones détruites un peu lentes et un peu tardives, voire totalement absentes. Vous notez dans un entretien à l'Histoire qui date de l'année dernière que au moment de la chute du régime baasiste, au moment de la chute de Saddam Hussein, les Irakiens eux-mêmes s'en sont pris à des bâtiments. Ah bah oui, ça a été un des grands drames. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la destruction d'abord des bombardements chirurgicaux et puis de la destruction notamment du pillage du musée. Mais ce qui s'est passé, qui a été catastrophique en 2003, c'est que les Irakiens pauvres se sont vengés sur tout ce qui symbolisait l'administration précédente, et donc ont été vandalisés non seulement le musée et la bibliothèque nationale, mais aussi toutes les administrations, les hôpitaux, les universités, les crèches, les écoles et tous les autres musées. Ce qui est assez classique dans un changement de pouvoir de ce type. C'est classique, mais ça a été radical. Moi, quand je suis arrivée en juin 2003, c'était très spectaculaire de voir le nombre d'administrations qui avaient été vraiment vandalisées. Puis en général, on tente de faire peut-être le tri entre les bâtiments qui pourraient potentiellement être encore utiles malgré leur existence symbolique précédente. Oui, et puis ils ont été vandalisés pour des raisons aussi très matérielles. Hein, c'est-à-dire qu'on les a... Moi, j'ai visité par exemple une université technologique en janvier 2004. Il n'y avait plus un seul livre dans la bibliothèque. Plus un seul. Merci beaucoup Cécilia Pierry. Merci aussi à vous Vanessa Van Rettergem d'être venue donc nous parler de cette ville que vous connaissez bien, soit sur le papier, soit pour l'avoir parcouru de multiples fois. Vous êtes allé 13 fois, je crois, Cécilia Pierry, peut-être même plus maintenant. 19 fois donc, dans cette ville de Bagdad. Je rappelle qu'on peut lire votre thèse sur la modernisation de Bagdad. Le titre, c'est... C'est Bagdad 1914-1960, la construction d'une capitale moderne. Voilà, et c'est aux éditions de l'Institut français du Proche-Orient. Et pour vous, Vanessa Van Rettergem, eh bien, c'est les élites bagdadiennes au temps des Seljoukides, aux mêmes éditions de l'Institut français du Proche-Orient. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet dans une réalisation de Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter ces émissions ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. Demain, nous partirons pour Lyon avec un mystère lyonnais, les souterrains en forme d'arêtes de poisson.